Oui, bonjour, nous sommes en direct sur Gemozo 107.fm et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plusieurs petites expéditions faites dans la région puisque nous sommes dans des week-ends prolongés. Donc le 1er mai, le 8 mai, le 10 mai, tout ça, ça nous donne l'occasion de nous promener et de voir parfois, d'oublier, de regarder un peu ce qui est tout proche de nous, de partir sur des destinations beaucoup plus éloignées. Donc voilà, premièrement j'avais envie aussi de faire un récapitulatif parce que j'étais surpris cette semaine de plusieurs personnes qui ne savaient plus ce que c'était que ces dates qui nous permettaient ces grands ponts du mois de mai que tout le monde attend avec impatience. Alors je me suis permis de commenter juste à titre informatif. Donc le 1er mai c'est bien, tout le monde connaît quand même, la fête du travail. Donc c'est une fête nationale. Donc on enchaîne avec le 8 mai. Qui est là la capitulation allemande et fin de la Deuxième Guerre mondiale. Guerre mondiale qui a provoqué quand même 60 millions de morts. Et le 10 mai, c'est une fête religieuse catholique, le jeudi de l'Ascension, ce qui nous fait, pour ainsi dire, qu'un jour de congé. Voilà pour ce petit récapitulatif. Donc dernièrement, hier même, je suis allé me promener. Alors j'ai fait plusieurs endroits parce que mon livre, L'abbaye sans âme, marche très bien et on a fait un repérage hier de lieux où pourrait être tourné ce livre en film. Et donc nous sommes allés à la chapelle de Saint-Colomban que je pense beaucoup de gens connaissent, mais si certains ne connaissent pas, je vais leur faire un petit récapitulatif. Historique sur la chapelle de Saint-Colomban, c'est un endroit magnifique. Donc c'est au-dessus de pour passer Plombières, la frontière franc-comtoise, parce qu'on est chauvin, donc les franc-comtois me l'ont bien rappelé quand même que c'était en Franche-Comté. Et donc vous arrivez, vous mettez votre GPS, Froidecongé. Direction Luxeuil, Froidecongé, et puis chapelle Saint-Colomban. Vous passez à travers la forêt, vous verrez, c'est magnifique. C'est 5 ou 6 kilomètres à travers la forêt en plein printemps. Vous arrivez à un gîte superbe, très bien entretenu, dans les arbres, les fleurs. Et après, vous arrivez sur le site de Saint-Colomban où il s'est passé plein de choses pendant... je dirais à peu près 3000 ans, puisque le site était païen avant d'être catholique, donc christianisé par Saint-Colomban à son arrivée. Alors, hier, j'étais en robe de bure toute la journée, ça va étonner. Donc, on faisait des photos et un début de film pour montrer ce qu'on pouvait faire. Et il fallait un moine et je me suis dévoué, donc j'étais avec mon scapulaire, c'est-à-dire... une sorte de grande capuche qui recouvre la robe de bure et puis j'ai pris les positions et en plus vous avez vu il faisait gris, il y avait un climat un peu ésotérique, mystique. On s'est bien amusé, ça a duré quand même 3 heures et voilà, sur le site de Saint-Colomban il y avait un monsieur qui s'occupait de l'entretien qui était tout étonné de ce que l'on faisait. mais on s'est bien amusé et l'endroit s'y prêtait, le temps s'y prêtait. Donc voilà, donc Colomban est né en 540 à Nobert au nord-ouest de l'Irlande. Il a étudié à Cluain-Innis où il devient un moine à l'âge de 20 ans au monastère de Bangor près de Belfast. Donc il est pur irlandais. Et durant près de 30 ans, il impose ses règles au monastère irlandais. Alors celui-ci fonde la cesse, le jeûne et les mortifications. La règle de Saint-Colomban est très très sévère. Elle a été même refusée par nombre de moines quand il est arrivé dans la région de Luxeuil, où on a préféré la règle de Saint-Dominique ou de Saint-Benoît. Alors vers 580, il entame un voyage d'évangélisation de l'Europe. Il décide donc de quitter l'Irlande avec 12 de ses compagnons. Et après une escale, il traverse la Manche pour débarquer sur la plage du Guesclin à Saint-Coulomb, près de Saint-Malo. Et c'est un endroit que j'adore, j'en ai déjà parlé. C'est une magnifique petite plage. Et à marée basse, vous avez une sorte de petite forteresse où il y a toujours deux bergers allemands qui aboient. Et c'est un ancien petit fort qui a appartenu, je ne sais pas si ça appartient toujours à la famille, mais qui où vivaient les Offeret. Donc vraiment aux portes de Saint-Malo, à Saint-Coulon. Sincèrement, vous faites un bon plateau de fruits de mer à Cancale, vous allez vous rafraîchir au bec du Groin, et puis vous dirigez par la route de la côte pour Saint-Malo, et vous arrêtez entre-temps, et vous regardez Saint-Coulon, vous verrez, c'est superbe. Et c'est là, quand même, c'est quand même bizarre. Saint-Colomban, qui me suit partout, même dans mes romans, ben c'est là qu'il a débarqué. C'est pour ça que ça s'appelle Saint-Coulon, Saint-Colomban. Voilà. Donc j'ai suivi Saint-Colomban, puis moi je suis revenu aussi ici, donc voilà. Et donc Colomban obtient le droit de s'installer dans le royaume franc, donc chez nous. Il repart avec ses compagnons vers Langres, puis vers les Vosges, où il s'installe. Il s'installe à Negré en 587. Colomban y abandonne souvent ses compagnons parce que c'était un moine anachorète. Donc un moine anachorète, c'est un ermite. C'est un religieux qui vit que par l'esprit philosophique, la contemplation, mais ce n'est pas un moine de communauté, c'est un moine d'ermitage, d'où le nom ermitage, justement. Et donc, Colomban s'isole souvent de ses compagnons pour effectuer des retraites dans une petite grotte dans les montagnes. Et la grotte choisie par Colomban, c'est un de ses miracles, était occupé par un ours. Et c'est l'endroit où j'étais allé hier. Et à la demande de Colomban, il regarde l'ours. Et celui-ci abandonne sa tanière sans la moindre animosité. Et donc, on savait que Saint-Colomban, enfin, il n'était pas saint, c'était Colomban hein, à l'époque. Et donc, l'abbaye toute proche lui faisait parvenir par l'intermédiaire d'un jeune moine. De la nourriture, puisqu'il quand même il se nourrissait, mais vraiment frugalement, entre prière et contemplation. Et cette nourriture venait du monastère d'Annegret, distante de 3 km. Et donc, il a fait jaillir une source aussi. Et une source, j'ai mon chien qui a failli tomber dedans, et c'est une source un peu profonde qui guérit les yeux notamment. Donc je vous conseille d'y aller, vous avez une petite chapelle un peu néo-gothique, vous avez un endroit plus celtique, on appelle ça un peu breton, puisque hein, je reprends moi mes cours, donc on se dit lorrain, mais avant on a été celtique, et les celtes ont été chassés par les vikings de Bretagne, donc c'est celte, nous sommes entre guillemets, je pense, d'origine bretonne. Donc il y avait un endroit, il y a un monticule où il y a une énorme tombe druidique et celtique à cet endroit-là. À côté, un grand calvaire avec une croix magnifique, justement un petit peu entre guillemets à la mode bretonne, et un autel en plein air. Et vous avez aussi un fauteuil de pierre qui est superbe, où on se met assis. Et vous pouvez dominer toute la vallée, parce que vous êtes justement en hauteur. Et donc, Saint-Colomban repart. Donc en 614, Colomban est contraint de fuir par avis politique opposé. Et donc, il traverse les Alpes et se rend en Lombardie. Là, il sollicite une terre auprès du roi Agilulf et obtient la protection de la reine Théodoline, tous des noms assez bizarres qu'on n'emploie plus actuellement. Et ils fondent à Bobbio un nouveau monastère où il meurt le 23 novembre 615. Donc voilà, je vous conseille d'y aller parce que c'est magnifique. Et en même temps, vous pouvez associer cette visite, pas très loin, le parc animalier de Valbert. Donc Valbert, c'est pareil, c'est un moine. Alors, Valbert, c'est un jeune seigneur qui arrive à cheval, tout armé, se présente au monastère devant l'abbé Eustache de Luxeuil. Il voulait fuir le monde et consacrer entièrement sa vie au service de Dieu. Donc Valbert se dépouilla de tout, aussi bien de sa splendide armure, qu'on le conserva longtemps comme ex voto dans l'église abbatiale, que d'une magnifique coupe faite d'une seule topaze sertie de lames d'or. Il s'ouvrit à Eustèce de son désir de vivre dans la solitude la plus totale et fut autorisé à mener aussi donc une vie d'ermite à quelque distance au nord de l'abbaye, au milieu de la forêt, dans une grotte creusée dans un banc de grès, près d'une source. C'était donc dans une humble cellule que nous voyons encore aujourd'hui. Alors il fallut cependant s'arracher à deux reprises à son cher désert végétal. Quelques années plus tard, il a dû accompagner le frère de l'évêque de Laon, sous Clovis II, à Évoriac, pour fonder l'abbaye de Farmoutier. Et ensuite, il a dû repartir pour fonder une autre abbaye, celle de Meaux. Et il est revenu encore quelques années et on l'a rappelé pour de nouveau diriger l'abbaye d'Uxeuil où il reprenait l'œuvre entreprise par Saint Colomban dont il a été l'élève. Il donna même un nouvel élan à cette abbaye, donc l'abbaye d'Uxeuil qui est très riche et que vous connaissez tous et où Saint Colomban est vraiment le patriarche de l'endroit, et lui donna même un élan nouveau en introduisant la règle de Saint-Benoît, qui est beaucoup moins, mieux adaptée à la vie monacale dans nos régions. Et la communauté put se développer davantage encore et s'épanouir, puisqu'il arriva à fonder plus de 30 autres abbayes à travers la France du moment. Donc voilà, je vous conseille d'y aller parce que vous avez à Saint-Valbert un magnifique endroit repris par une association. Vous arrivez, donc vous faites le parc animalier de Saint-Valbert, pas très loin de Luxeuil. Vous avez la possibilité de visiter ce premier parc. Ensuite, vous avez vraiment le site qui est superbe avec un jardin à la française en pleine forêt, une carrière plus profondément installée dans cette forêt. Vous avez la grotte qui est à deux niveaux sous le sol où on a construit une chapelle au-dessus. Vous avez même en été un petit restaurant qui pratique justement de la petite restauration. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale bretonne et après je vais vous parler d'un endroit que tout le monde connaît ici, c'est-à-dire le prieuré des Rivales. Les amateurs de chambrettes, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes, après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette. Autocritique parfaite, mais ça reste correct. Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête. Voilà comment Mano avance sans se prendre la tête. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard. Les gars, Mano viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra, les gars, Mano viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Ah, tranquille, j'arrive et je me pose, non surtout pas de close. Sur ce tempo tribal, j'ai envie de poser des proses. Tu connais le renard, mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chambre et pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que Mano Poissy, c'est un état d'esprit. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup et le renard chambré. Si tu ne comprends pas, désolé, je ne vais pas toujours t'expliquer. Le deuxième degré déjà acquis dans nos pensées, c'est net. Et même si je me la pète, voilà que je me répète. Je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête. À force de me prendre pour la vedette, je suis devenu la trompette. Mais dites-moi alors, mais qui est la belette? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra, les gars, Mano viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard. De l'insolite. Donc là, nous maintenant, nous allons parler d'un endroit que tout le monde connaît, puisque c'est le Val d'Ajol. Donc nous sommes écoutés énormément sur le Val d'Ajol, c'est-à-dire le prieuré des Rivals, donc un endroit complètement magnifique, mystique, en toute saison. Donc moi, j'ai découvert une fois dans la neige, j'en ai parlé dans un de mes premiers livres, j'étais à cheval et quand vous arrivez dans cette vallée, au lieu dit le Breuil, ça vous éclate en pleine figure. Cette majesté du bâtiment qui a 1000 ans, ce qui en reste, et surtout cette immensité pure, autant par la lumière que par les étendues des forêts et des prairies. Donc ce prieuré des Rivals, naturellement, il faut en parler aussi un petit peu dans ses origines. Donc c'est un prieuré qui a été construit en 1080 et qui se situe sur la commune du Val d'Ajol. Donc quand même largement excentré, donc on dit qu'il faut aller vers les bas des Rivals, hein, c'est des lieux dits, ou le Breuil, voilà. Donc c'est donc une magnifique construction, vous pouvez y accéder par une toute petite route. Alors vous pouvez y accéder par plusieurs trajets, c'est-à-dire en quittant Remiremont et en passant par le col du Petet. Et là, vous avez deux épingles à cheveux, et dans l'une, il faut tourner à gauche. Et là, vous verrez, c'est indiqué. Et par contre, roulez lentement. Souvent, il y a du gibier, et puis des personnes qui font du cheval, comme moi, qui s'y promènent. Et puis aussi, peut-être une autre voiture. Donc, roulez vraiment lentement. Et puis, juste avant d'arriver aussi au prieuré des Rivals, il y a deux maisons. Il y a des chats donc, qui traversent souvent, ils sont en liberté. Alors, il faut faire attention aux chats aussi, hein. Donc voilà, donc vous arrivez sur cet endroit-là, vous sortez de la forêt, et puis ça vous éclate en pleine figure, parce que sur la droite, il y a un miroir argenté qui est un étang qui a été construit par les moines du prieuré. Et c'était un endroit de pisciculture, donc où l'on cultivait, entre guillemets, la carpe et la truite, et que l'on faisait fumer, puisque les périodes, vous les connaissez, hivernales dans notre région, sont très étendues, donc on pouvait manger du poisson toute l'année, donc en le passant dans le fumoir avant. Donc, vous arrivez à cet endroit qui est superbe, devant une énorme bâtisse, et donc c'est l'ancienne aumônerie ou la porterie. Donc c'est un endroit où d'abord on accueillait les pauvres, les indigents et tout moine qui se respecte dans la règle de Saint-Benoît notamment, celle de Saint-Colomban aussi, devait donc donner assistance à ces gens qui arrivaient, à les soigner et aussi à leur donner naturellement une nourriture pour pouvoir passer des mauvais moments, surtout à cette époque-là. Donc vous êtes là sur le chemin des vieilles abbayes, et donc c'est un endroit où Angibald est arrivé. Et donc il était arrivé avec son frère Vichard, Et ils ont constitué une confrérie en collaboration avec les seigneurs de Saint-Balmont, où il fut suivi par la plus grande partie des religieux, où il bâtit un ermitage. Donc ça, c'est Vichard qui quitta son frère parce que la règle Angibald inculquait était beaucoup trop sévère. Donc, à la mort d'Angibald, sont venus le 7 août 1123, les disciples des deux frères donc, qui avaient choisi Vichard sont revenus sur l'endroit appelé aux vieilles abbayes des Rivales. Et ils construisirent donc une église et des bâtiments monastiques. L'accroissement du nombre des religieux donc, obligea bientôt Vichard, frère d'Angibald, à fonder un nouvel ermitage près de Nomexy. Donc, avec le consentement de l'abbesse Isabelle de Demangeville, dame du chapitre des dames de dame du chapitre des chanoinesses de Remiremont, qui avait apporté donc la protection à Angibald pour cet endroit à retirer, la cure du Val d'Ajol fut incorporée au domaine des Rivales. Donc, Rivales avait comme annexe dès l'origine les prieurés de Bonneval, de Daubier, l'hôpital de Saint-Loup-sur-Semouse. Et l'hôpital de Plombières-les-Bains aussi. Donc c'était quand même une abbaye qui était assez riche et qui vivait en totale autarcie. Et ce n'est que très tard, vers 1747, sous le régime de Guillaume Guillemard et à sa requête, que le prieuré fut uni à la congrégation de Notre Sauveur. C'est une congrégation donc, qui gérait l'endroit sur place. Donc, en sachant que Erival était directement sous la juridiction du pape et des dames chanoinesses, et non du diocèse. Alors, l'église aujourd'hui disparue, et les bâtiments conventuels furent vendus le 28 Nivose en 3, c'est-à-dire le 17 janvier 1795, à Claude-Joseph Rémy pour la somme de 16 600 livres, c'est-à-dire en pleine Révolution, comme bien national. Donc l'acquéreur, ne sachant pas quoi faire de ces vastes bâtiments, actuellement il n'en reste même pas le tiers, il décida de démanteler pierre par pierre cet endroit. Et c'est ainsi que tous ces matériaux ont servi à la grande rénovation de Plombières-les-Bains au XIXe siècle, où j'habite. Et donc, à la fin de la Révolution, Erival devient une commune, et ce jusqu'en 1832, où elle est enfin de nouveau rattachée à la commune du Val d'Ajol, sous le régime de la République. Donc, on revient un peu à Plombières, parce que Erival faisait partie de la promenade, d'une des promenades favorites de Napoléon III, qui venait prendre les eaux donc à Plombières-les-Bains. Il adorait cet endroit. Et on suppute aussi qu'il venait parler politique dans un endroit tout particulier qui n'est pas très loin, c'est-à-dire le chalet de l'empereur. Alors le chalet de l'empereur, il est juste avant le prieuré des Rivales, et donc c'est un chalet qui fait donc référence à Napoléon III et à l'impératrice. Donc parce qu'il venait y pique-niquer, et à l'intérieur de ce chalet qui vient d'être restauré dernièrement, il siège une énorme table de granit que l'on suppose être l'ancienne table du chai du prieuré des Rivales. Mais quand on voit l'énormité de cette table, on se demande comment ils l'ont transportée. Ensuite, derrière ce prieuré des Rivales, un petit peu... Moi, ce que je vous conseille, en fin de compte, c'est de ne pas y aller en voiture, c'est de laisser votre voiture au niveau de l'étang... et de parcourir, donc, ça arrange tout le monde, autant les peu de riverains qui y habitent que vous-même, parce que vous découvrirez encore davantage à pied cet endroit magnifique par le silence, par la lumière. Et donc, vous passez derrière le prieuré des Rivales, et ensuite, vous arrivez sur votre droite devant un petit sentier, et moi, je l'appelle la vallée psychédélique. Parce qu'à travers cette petite vallée, il y a des œuvres complètement originales, des monticules de pierre un peu bretonnes, en pyramide. Vous avez des pierres qui sont suspendues aux arbres, vous avez des arbres qui contiennent des coffrets, vous avez des cloches qui sont suspendues, vous avez vraiment en plus une ambiance très très mystique. Et on suppute aussi que ce fut peut-être l'ancien cimetière des moines du prieuré des Rivales. Donc voilà, cet endroit est vraiment superbe, il faut absolument le respecter, y aller si possible à pied, et surtout ne pas le détériorer, parce que c'est un endroit totalement original, dont on a la chance d'y aller aussi gratuitement, hein. Donc c'est quand même quelque chose de superbe, et vous êtes en même temps sur le chemin des vieilles abbayes, donc qui est fléché à parcourir à pied aussi. Et dernière petite anecdote, c'est derrière le chalet de l'empereur, vous avez aussi, alors là, il faut chercher, vous avez la roche fendue, donc il faut traverser une partie de la forêt, vous avez une grande roche qui est fendue sur toute, toute sa hauteur, et là, on suppute aussi qu'au cours d'une cérémonie celtique, l'orage s'en serait mêlé, elle serait tombée sur cette pierre pour la fendre en deux, d'où son appellation de roche fendue. Et ensuite, un petit peu derrière, une sorte de glacière, une grotte de 80 cm, du moins à son entrée, où vous vous introduisez à l'intérieur si vous n'êtes pas claustrophobe. Et là, vous verrez, il y a de la glace à toute saison. Voilà donc pour cette petite promenade autour de chez nous, pour tous ceux qui ne partent pas sur les routes avec toutes ces grèves qui nous menacent entre les trains, entre les avions. Donc il y a juste à prendre son bâton ou sa voiture ou son cheval et puis à parcourir sur un rayon de 15 km autant sur la Franche-Comté limitrophe et autant sur le Val d'Ajol qui est vraiment superbe. Et venez aussi chez nous à Plombières-les-Bains, je crois que le 6 de ce mois-ci on a la première brocante, la deuxième brocante de la saison ce dimanche-là. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait prendre un peu l'air à travers ce début de mois de mai et ce grand week-end. À très bientôt et dans d'autres aventures. Je vais regarder mes fichiers. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.